Avec vous, encore une fois, pour la troisième fois, 6 ou 7 semaines, ça a été tout ce printemps. Et je parlais avec mon épouse, elle dit « Déjà? » En voulant dire « Tu retournes déjà? » Je dis « Oui, c'est comme planifié comme cela. » Donc, on va travailler à l'ancienne, on va vous faire tourner dans vos bibles parce qu'on n'a pas l'écran. Donc, si vous voulez prendre vos bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, on va servir d'un texte comme introduction, un texte qui est connu dans nos églises, le texte de la visite de Nicodème à Jésus. Mais avant qu'on puisse lire le texte, on va prier si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, ta parole nous dit que il n'y a pas une seconde sans que ton regard soit sur nous. Tu regardes constamment, continuellement, même je pourrais dire éternellement, tes enfants. Tu n'es jamais dérangé, tu n'es jamais dans la lune, comme on dit. Et on te remercie de cela. On t'en glorifie. On te glorifie aussi que tu nous as, dans ta grâce, révélé une partie de ton plan pour tes enfants, ce qui nous concerne. Donc, on ne marche pas à l'aveuglette. Et on te demande ce matin, encore une fois, que tu puisses nous aider à comprendre ce plan, afin qu'on puisse marcher en harmonie avec toi et qu'on puisse te faire connaître autour de nous d'une façon qui est adéquate. Que ton esprit puisse ce matin nous instruire, chacun de nous. C'est notre désir, Seigneur, quand ta parole nous dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi et ton Fils Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Donc, on a commencé à voir, la première fois, l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Et je continue à lire depuis quelques mois, et il y a une espèce de confusion parmi les chrétiens évangéliques. Ce n'est pas tout le monde qui s'entend sur le sujet. Mais comme j'ai dit les autres fois, même s'il y a de la confusion entre nous par rapport au sujet du Saint-Esprit, ça ne rend pas cet esprit confus. Lui, il a un esprit bien clair, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il est en train de faire, il sait ce qu'il va faire et il va l'accomplir. Même si on est confus par rapport au salut, ça n'empêche pas que Jésus a accompli le salut d'une façon parfaite. Donc, quand Nicodème est arrivé voir Jésus, il n'y avait pas une bonne compréhension de tout ce qui s'était passé. Mais Jésus lui donne un indice par rapport au royaume de Dieu et il lui parle de cet esprit. C'est pour ça que pensez qu'on pourrait lire ce texte-là ce matin en guise d'introduction. Verset 1 du chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis. » Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème ici compare le Saint-Esprit au vent. Jésus. Oui, vous avez bien raison. Je veux juste voir si j'ai couché. Jésus a dit, il a comparé le Saint-Esprit au vent et il dit que le vent, vous ne le voyez pas. Mais vous voyez les effets du vent, soit dans la poussière de la terre, soit dans les feuilles des arbres, soit dans vos cheveux, soit même vous juste le sentir sur votre peau. Vous sentez les effets du vent. Et le Saint-Esprit, il dit, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Puis je crois personnellement qu'en tant que chrétien, on ne comprendra jamais vraiment comment ça fonctionne en nous, cela. Mais en même temps, on va en voir les effets. La semaine passée, on était réunis, un groupe de chrétiens, ils ont discuté, puis une des dames qui a dit, peut-être qu'on est en train de se compter toute une gang de blagues, puis c'est pas vrai tout ce qui se passe, tout ce qu'on dit des chrétiens. Peut-être qu'on se lave le cerveau soi-même. Peut-être que c'est juste qu'on veut bien y croire, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai cette affaire-là? Une chrétienne qui a 25 ans de vie chrétienne, non? Donc, vu que c'est un groupe de discussion, on a arrêté et on a discuté sur ce sujet-là. Ce matin, on va toucher un petit peu à cela. Qu'est-ce qui me dit? Comment je peux savoir que je l'ai si je n'en sens pas les... Si je ne peux pas sentir qu'il est là. Si je n'ai pas de frissons, si je n'ai pas de chaleur, si je n'ai pas de... j'ai pas rien de palpable ou de physique ou de matériel. Comment je peux savoir que le Saint-Esprit vit en moi? Comment je peux savoir? Je ressens nos feelings. Mais nos feelings ne sont pas toutes les mêmes. Donc, je peux dire, moi, je ne sens pas. Est-ce que tu sais, moi? Comment je peux savoir? Est-ce que des choses qui seraient communes à tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux? Des fois, je vais dire à des gens, oui, tu as une belle expérience là, spirituelle, mais moi, je ne l'ai pas vécue. Donc, je ne peux pas baser ma vie sur ton expérience ou l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que des expériences communes qui arrivent à ceux qui reçoivent le Saint-Esprit et qui l'ont dans leur vie de tous les jours en tant que chrétien? Comme à la Pentecôte, il y a eu une expérience commune. Tous ceux qui étaient là, quand le Saint-Esprit est venu pour la première fois, ils ont eu une langue de feu sur leur tête. Donc, automatiquement, tous ceux qui étaient dans la salle ont pu dire... Elle a le Saint-Esprit, elle l'a. Il faut tout dire, ah, les 120 qui est ici, c'était 120. Ah, tout le monde l'a eu. Il y avait une expérience commune à tout le monde. Mais, dans sa souveraineté, Dieu a décidé qu'on n'aurait pas de langue de feu sur nous autres, donc quand on l'a eu. Mais, vous avez connu des gens qui ont proclamé, qui ont dit, qui ont prêché, qui avaient cet esprit, qui étaient des enfants de Dieu, et 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, disent, je ne l'ai jamais eu, c'est de la foutaise, c'est pas vrai, ça n'a jamais existé, et ils prêchent contre l'Évangile. Tu dis, oups! C'est un peu énervant des fois. Quand on voit ce que nous, des fois, on peut appeler des géants de la foi, qui finalement... au courant de leur vie, décident ou déclarent qu'ils ne sont pas croyants et qu'ils ne l'ont jamais été. Et là, tu dis, qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? Mais on va voir ce matin, dans les Actes des apôtres, peut-être des signes communs ou des expériences communes que les apôtres ont vécues, que les premiers chrétiens ont vécues, qui... permettait de voir qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit et les effets de l'être rempli de l'Esprit. La dernière fois que je suis venu, on a vu une chose. Être rempli de l'Esprit, c'était une œuvre souveraine de Dieu dans la vie du croyant. C'est pas quelque chose que le croyant accomplit. C'est quelque chose que Dieu a encore accompli dans le croyant. On a vu que dans les Actes des Apôtres, tous les textes dans les Actes des Apôtres, et je pourrais amener, si on avait le temps, tous les textes dans l'Évangile de Luc, parce qu'on a vu ensemble que c'est les seuls deux livres qui emploient l'expression « être rempli d'esprit », excepté une fois dans Éphésiens, l'apôtre Paul. Le restant du Nouveau Testament n'emploie pas cette expression-là. C'est Luc qui emploie cette expression-là. C'est son expression à lui favorite. Et toutes les fois que lui l'emploie en parlant d'un croyant, c'est toujours un acte passif de la part du croyant. Le croyant est rempli par l'Esprit. Ce n'est pas le croyant qui se remplit, lui, du Saint-Esprit. C'est toujours un acte passif. C'est Dieu qui a rempli le croyant du Saint-Esprit, dans le sens que le Saint-Esprit est venu habiter dans le croyant. Pour nous aider à comprendre, si j'avais le pouvoir, je ne l'ai pas, je ne veux pas l'avoir, mais si je l'avais, et que je pouvais rentrer en vous, dans votre tête, quel effet voiriez-vous? Moi non plus, hein? Mais ça fait de quoi en dedans? Quelque chose? Il y a une autre personne qui vivrait dans ma tête. Et quand la personne du Saint-Esprit rentre dans la tête, dans le cœur, hein, on ne peut pas séparer ça comme on veut, hein, mais quand le Saint-Esprit, qui est une personne, rentre dans une autre personne, oups, qu'est-ce que ça fait comme effet? Dans la Bible, on a des exemples de personnes que le diable ou un démon ou des démons sont rentrés dans des personnes. Ça aussi, c'est des êtres. Puis tout le monde voyait des effets. Là. Oh, il est possédé celui-là. Oh, là, il voyait des effets dans la vie de ces personnes-là. Mais quand la personne du Saint-Esprit rentre dans le croyant, est-ce qu'il y a des effets? Et quels sont ces effets-là dans la vie des croyants? Est-ce que des effets personnels, dans le sens qu'en moi, il y a certaines choses qui peuvent se passer, qui ne se passeront pas dans le char? Mais y a-t-il aussi des expériences communes qui atteignent tous les croyants? Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Pour savoir si je suis rempli de l'Esprit, il faut que je comprenne qu'est-ce que c'est que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, ça, être rempli de l'Esprit? Si je veux savoir si j'en suis rempli, parce que, comme Jésus a dit à Nicodème, tu ne sentiras rien. Tu ne vas pas avoir d'expérience physique. Chez les apôtres, dans Acte 2, eux autres, hein, qui ont eu la langue de feu, c'était comme une langue de feu. C'était pas du feu. Hein. Même si elle a passé la main dedans, ça n'a pas brûlé. C'est comme une langue de feu. C'était pas une langue de feu, mais c'est comme. C'est comme ça qu'il a décrit ça, Luc. Mais il y a eu une autre expérience qui est venue après, qui était commune aux 120 aussi. Donc, ils ont pu voir des effets tout de suite, puis ils ont dit, mais oups, il s'est passé de quoi, là, de miraculeux, à ce moment-là. Donc, je vais vous donner certaines interprétations de certains hommes, à travers l'histoire de l'Église, qu'est-ce qu'ils ont dit, eux autres, que ça voulait dire être rempli de l'Esprit. Ensuite, on va regarder ensemble dans les Écritures, voir si on peut avoir des indices, qu'est-ce que ça veut dire, pour qu'on comprenne bien ce qu'on vit, nous les croyants. Mais je vous dis, même si on ne comprend pas tout pareil, qu'on ne comprend pas tout bien, ça ne change pas ce que lui est en train de faire. C'est juste qu'on comprend mieux ce qui est en train de se passer en nous. Puis on ne se fait pas de fausses impressions ou de fausses idées par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. Comme je disais la dernière fois, même si je ne comprends pas bien comment mes reins fonctionnent. Mais si je comprends comment ils fonctionnent, je vais mieux comprendre ce que je vis en tant qu'expérience des fois. L'autre jour, je dis à quelqu'un, j'ai mal au foie. Ce n'est pas le foie, c'est l'autre bord. OK! maintenant que je sais que le foie est sur ce bord-là, je sais que quand j'ai mal là, c'est pas foie. Mais ça ne change pas le mal que j'avais. J'avais encore mal. J'avais encore mal. Mais j'ai compris que ce n'était pas le foie. Ah, ben ça, là, je pouvais chercher sur Internet autre chose qu'une crise de foie. Parce que je pensais que je faisais une crise de foie, maintenant. OK? Donc, quand les gens vont dire, ah, mais tu n'es pas rempli de Saint-Esprit, non, c'est pas ça. C'est pas ça, là. Saint-Esprit, la Écriture, il me semble, c'est pas ça que ça dit. Donc, je peux comprendre mieux ce que je suis en train de vivre en tant que personne du fait que dans sa souveraineté, Dieu a fait entrer le Saint-Esprit en moi, ce qu'on appelle la Bible, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est souverainement que Dieu a fait ça. Donc, maintenant, je vais essayer d'en comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui agit, puis dire, j'attribuerai pas au Saint-Esprit ce que je devrais pas y attribuer, puis je devrais lui attribuer ce qui lui revient en tant que personne. Des fois, j'ai entendu dire des chrétiens des choses, ils attribuaient à Dieu certaines choses que moi, selon ma compréhension des Écritures, c'était pas Dieu qui faisait ça. C'était plutôt les désirs de cette personne-là, les pensées de cette personne-là, les rêves de cette personne-là, ses ambitions personnelles, mais c'était peut-être pas Dieu du tout. C'est pas facile de savoir qui fait les choses en nous des fois. La chair, l'esprit, mon esprit, le diable, le monde autour de moi, c'est pas facile de toujours comprendre d'où ça vient, tout ce qui se passe en nous. Pas toujours facile. Un homme, Lognecker, lui, il dit que être rempli de l'esprit, c'est ceci. À partir de Actes, chapitre 4, verset 8, lui, il dit, vu que le verbe est un aoris passif, ça ne veut dire rien, ceci dénote un moment spécial d'inspiration que l'esprit donne à Pierre en ce moment-là. Donc, lui, il dit que être rempli d'esprit, c'est que l'Esprit Saint en nous va donner une inspiration spéciale, momentanée, à certaines personnes pour, dans Acte 4-8, pour qu'ils parlent de Dieu. C'est que la personne qui est là, c'est comme elle nous donnerait une dose de force. Et qu'à ce moment-là, il dit là, tu es rempli de l'Esprit. Lui, il explique ça comme ça. Un nommé Marshall, à partir du même verset, chapitre 4, verset 8, dit « Pierre reçoit une inspiration spéciale pour parler. » Donc, c'est quelque chose qui semble pas constant, parce que c'est spécial, c'est momentané, ça arrive à un moment. Donc, les autres, ils semblent dire, ces deux hommes-là, qu'être rempli de l'esprit, c'est quelque chose qui arrive ponctuellement dans la vie d'un croyant. OK? D'autres personnes disent, à partir de Actes chapitre 2, c'est employé pour décrire l'acte initial de recevoir l'Esprit. Donc, ils disent être rempli de l'Esprit, puis être baptisé de l'Esprit, c'est l'équivalent. Donc, ça ne nous explique pas tellement qu'est-ce que c'est, mais ils disent que être rempli de l'Esprit, c'est quand l'Esprit vient habiter dans notre corps, dans notre être, c'est ça que ça veut dire être rempli de l'Esprit. Donc, ils disent que c'est employé pour décrire l'acte continu de certains chrétiens. Ah! Là, ces hommes-là, les autres, ils disent être rempli de l'esprit, c'est l'état continuel, mais seulement de certains chrétiens. Donc, il y a des chrétiens qui peuvent vivre leur vie chrétienne sans être remplis d'esprit. Ils ont l'esprit. Puis je n'ai pas entendu ça juste une fois, je n'ai pas juste lu ça dans un livre, j'ai entendu des prédicateurs prêcher. Qu'il y a des chrétiens qui ont cet esprit, mais ils marchent toute leur vie, ils ne sont pas remplis de l'esprit. Ils ne sont pas remplis de l'esprit. Ils marchent par la chair. Ils ne sont pas remplis de l'esprit. Ils ont cet esprit, mais ils ne sont pas remplis de l'esprit. Oups! Là, ça nous déséquilibre un petit peu, on se demande qu'est-ce qui se passe. Puis si je ne suis pas, comment ça, je ne suis pas. Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'être? C'est ça que ça veut dire, hein, automatiquement. Là. Et là, tu dis, oups, est-ce que dans le bord, si c'est vrai, ça, quand est-ce que je vais savoir que je le suis? Quand est-ce que je vais m'apercevoir que je ne l'ai pas? Quand est-ce que je peux m'apercevoir que, bon, je vais aller faire l'évangélisation aujourd'hui, ah non, je ne devrais pas y aller, la lumière est bleue, fait que je ne suis pas rempli de son esprit. C'est ça va. Ah oui, la lumière est rouge, je peux y aller. Ça ne marchera pas, tu sais, là. C'est pas vivable, ça en a fait de même. Là. Mais en tout cas, lui, il voit ça comme ça. Donc, un autre monsieur, lui, il va dire que c'est une expérience qui est l'équivalent d'être baptisé sur l'esprit. Dans d'autres livres que j'ai lus à M. Boswell, Olivier Boswell, c'est le fait que l'esprit nous donne tout ce que nous avons besoin pour vivre notre vie chrétienne. Il le fait continuellement. Et de façon spéciale, en temps de crise. Donc, il dit, c'est l'esprit qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre notre vie chrétienne, continuellement, mais à certain moment donné de crise, il y a une surdose. De quoi? De puissance peut-être, de force, je ne sais pas. Mais dans un temps de crise, c'est comme si le Saint-Esprit avait gardé en réserve une partie de la puissance ou de la force, je ne sais pas quoi. Puis là, quand tu vis un temps de crise, puis là, le Saint-Esprit va t'en donner un peu comme l'adrénaline. Tu as besoin d'un effort spécial physique, puis là, ton corps te donne une dose d'adrénaline, puis là, hop, tu peux lever la chose plus pesante. Ou tu peux courir plus vite, parce que là, tu es un lion derrière toi. Le corps va te donner... Puis là, dans un temps de crise, le Saint-Esprit vient, puis il te donne une surdose. Là, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il fait ça de façon souveraine? Est-ce que je vais faire de quoi pour qu'il me la donne? Est-ce que je vais m'en rendre compte qu'il me l'a donné, cette dose, cette overdose-là, de puissance ou de force? C'est tout un peu comme, pas évident, là. Pas évident. Donc, on voit qu'à travers l'histoire de l'Église, à travers différents auteurs, différentes théologies, la compréhension est différente. Est différente. Et est-ce que le Saint-Esprit est continuellement là, toujours là? Est-ce qu'il fait toujours son œuvre? Est-ce qu'il nous donne toujours la force qu'on a besoin? Ou si c'est continuel, ou si c'est spontané? Est-ce que c'est ponctuel ou continuel? Et on voit que c'est différent sur les croyants qui nous expliquent cela. Pour essayer de comprendre, ça c'est ce qu'on nous dit. Vous avez peut-être des idées comme ces gens-là. Peut-être vous dites, moi, là, le monsieur qui lui a parlé tout à l'heure, moi, il me semble que c'est ça que je pense. Il me semble que c'est ça qu'on m'avait déjà enseigné dans le passé. Il me semble que c'est ça que je crois. Vous n'êtes pas le seul. Si vous décidez de continuer à vivre votre vie chrétienne de même, c'est correct. Chacun, des fois, interprète les passages différemment. Et là, on dit, bien, c'est comme ça que je comprends cela. J'ai vécu ma vie chrétienne pendant des années, pensant que j'étais rempli, puis ça dépendait de moi si j'étais rempli, puis ça dépendait de moi si j'étais plus rempli. C'est comme ça que j'ai été élevé spirituellement dans mon église locale, que si j'avais une vie chrétienne plutôt charnelle ou dans le péché, si j'avais un péché non confessé, en tout cas on me donnait toutes sortes de raisons, je n'étais plus rempli de l'esprit. Je n'étais plus conduit de l'esprit. On m'a déjà enseigné que c'est l'esprit, la puissance de l'esprit, c'était plus comme une champlure, que tu l'ouvrais et tu la fermais. Si tu faisais plus de péché, tu fermais le robinet. Tu fermais le robinet, tu faisais trop de péché, tu fermais le robinet, finalement, tu n'en avais plus. Tu marchais par la chair. Puis plus tu confessais tes péchés, plus tu marchais dans la sainteté chrétienne, plus tu ouvrais le robinet, puis plus tu étais puissant, puis plus tu étais fort, puis plus tu étais ta vie chrétienne était puissante, tu faisais une œuvre de Dieu plus grande parce que tu étais plus rempli de son esprit. Un peu comme le monsieur a dit tout à l'heure, à certaines occasions, spécialement, il nous donnait de la force pour faire quelque chose de grandiose dans la vie chrétienne. Si vous voulez tourner dans les Actes des Apôtres, on va lire des versets où l'expression « être rempli » est employée, mais pas pour le Saint-Esprit. Mais c'est la même expression dans la langue originale. Dans le grec, c'est la même expression. Quand Luc dit « rempli de colère », rempli du Saint-Esprit, c'est la même expression. Le mot rempli, c'est la même chose, là. Donc, ça va peut-être nous aider à jusqu'à certains points à comprendre les effets. Dans Actes 3, chapitre 3, verset 10. Quand quelqu'un va l'avoir trouvé, est-ce qu'ils vont l'entendre, Patrick? OK. OK, chapitre 3, verset 10. Quelqu'un veut le lire bien fort? Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. OK. Si on est une gang, là, puis on dit, il y a quelqu'un qui est dans la salle ici et qui est à ce moment-là, rempli d'étonnement. Il est rempli de surprise. Est-ce que, qu'est-ce que vous allez voir? Comment ça va s'exprimer, ça, là? Un visage étonné. Étonné, ça. Tu vas gratter la tête. Tu sais ce qu'il fait là? On va avoir des gestures. On va avoir un comportement physique qui va nous dire « Oh, il était surpris, en tout cas, quand il m'a vu arriver. Tommy, joueur de tour, il me fait peur à chaque fois que je vais chez eux, j'ai un but. Il se cache derrière les portes, je me lève le matin, puis il me fait peur. » Il a quelqu'un pour le dire. François était rempli d'étonnement ou de surprise. Derrière la porte, il y avait quelqu'un. Mais tu viens de chez nous, tu vas voir. Et on est rempli d'étonnement ou de surprise. On voit ça. Tu vas voir qu'il arrive quelque chose autour de toi et tu es rempli. Ça se manifeste par des gestes, par la figure ou les mains ou peu importe comment ce que vous faites. Si vous n'êtes pas très gestuel ou très extraverti, ça va peut-être moins paraître. Tu sais, il était surpris, mais ça ne paraissait pas. OK. Chapitre 5, toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Quelqu'un veut le lire? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mords au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du pré du champ? Il a rempli ton cœur. Satan a rempli ton cœur. Donc là, c'est une autre personne. OK? Il y a une personne qui a rempli le cœur d'Ananias et de Saphira et ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté. C'est la même. Et comment ça s'est manifesté? Comment est-ce que Pierre a pu voir ça? Comment Pierre. Je pense pas que ça, c'était visible, là. Des fois, dans les films, là, ces gens-là qui sont remplis de démons, ils ont toute la face croche, tu sais, ils ont des gros nez, comme vous savez. Avez-vous déjà vu des photos de Judas? C'est toujours quelqu'un de très laid. Ça pouvait être le plus beau gars de la gang des 12, ça, ce quelqu'un-là. Mais ils montent toujours avec un gros nez. Et... Je pense pas que Pierre a pu voir ça en le regardant. Oh, un matin, il est rempli du diable, le gars. Je pense que Pierre a gronné. Il ne s'est pas peigné. Ben non, je ne sais pas quoi. Il a les yeux tout rouges. Je ne sais pas quoi. Bon. Mais je crois que Pierre, c'est un. C'est... Essayez pas de faire comme Pierre. Hein. Je vous dis ça tout de suite. Allez pas voir les chrétiens et dire un matin, je pense que tu es rempli. Non, non, faites pas des affaires de même. C'est pas votre business. OK? Je crois que Pierre, à ce moment-là, c'était. Un événement très spécial que Dieu a permis que Pierre puisse faire pour instruire l'Église, que Dieu, lui, il sait quand ça vient comme ça, OK? Mais ça s'est manifesté par des gestes. C'était quoi les gestes? Le mensonge, l'hypocrisie, la convoitise, la mesquinerie, on pourrait dire ça de différentes façons. Mais ça s'est manifesté par des actions dans leur vie. Quand tu es rempli, il y a des actions qui suivent. C'est comme ça. Et ici, c'est des actions mauvaises parce que c'était stimulé par un vers le diable qui était venu dans la vie d'Ananias et Saphira. Chapitre 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Oui. Sur les oui, c'est correct. Rempli de jalousie. Comment ça se manifeste? Comment vous savez que quelqu'un est rempli de jalousie envers vous? Un mari, une épouse, un enfant envers une soeur, un frère. La jalousie, ça ne s'exprime peut-être pas de la même façon. Mais quand quelqu'un est rempli de jalousie, ça se voit. J'ai connu un couple de chrétiens. Que l'épouse était, ce qu'on dit, était une personne jalouse. Une fois, le mari m'appelle et me dit qu'il veut me rencontrer pour parler quelque chose dans sa vie. Fait qu'on se rencontre à l'église et ça faisait pas 10 minutes qu'elle était là. Elle rentre dans l'église. Elle était sûre que j'étais pas là. Qu'il y avait à côté des mandrés puis qu'il était avec une autre femme. Puis papa. Là, moi, je la regarde et dis, elle est remplie de jalousie. Voyez-vous, ça s'était manifesté. Sa jalousie, à cause qu'on était rempli, c'est ça qui la contrôlait. qui l'envahissait, finalement, elle est partie chez eux avec son char, elle s'est rendue à l'église, peut-être aller voir dans l'église si son mari était bien avec le pasteur. Puis quand il partait en ville faire une commission, elle t'aimait. Si ça prenait plus que tant de temps, elle dit, ah ah, t'es allé te laisser l'œil sur la grande rue. C'est ça que ça faisait. C'est ça que ça faisait. C'est ça que ça veut dire. C'est rempli de jalousie. Les pharisiens étant remplis de jalousie à l'égard de Jésus ou des apôtres, ici c'est les apôtres, Jésus est mort, il monte au ciel, ça s'est manifesté. Ça se voyait par leur action, par leurs paroles, par leurs gestuels. Ils ont fait des choses qui démontraient qu'ils étaient jaloux. Chapitre 6, verset 5. Quelqu'un veut le lire? Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, tatatiratata. Voilà, merci. C'était pas en grec, ça, là, hein? C'est du charabio. Mais il était rempli, c'est le même mot, là, plein ou rempli, c'est le même mot, rempli de foi et d'Esprit Saint. Donc, il dit, allez, choisissez-vous quelqu'un, des hommes, qui sont remplis de foi et d'Esprit Saint. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'on veut le savoir, d'abord? Est-ce que c'était visible? Est-ce qu'il y avait certains hommes qui ne l'avaient pas? Est-ce que certains hommes n'étaient pas pleins de foi? Est-ce que certains hommes n'étaient pas remplis de l'Esprit Saint? Ou ben non, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire, être plein de foi et plein d'Esprit Saint? Mais une chose qui est certaine, c'est que l'Assemblée en a trouvé sept. Ça, on est sûr de ça. Ça veut dire qu'ils ont été capables, eux autres, l'Assemblée, de choisir parmi eux sept hommes qui étaient pleins de foi, pleins d'Esprit Saint. Peu importe comment est-ce qu'on analyse, là. Mais une chose est certaine, c'est que les gens de l'Assemblée y en ont pris sept. Parmi les autres. Je suggère qu'ils étaient tous pleins de foi et d'Esprit Saint. Moi, je crois que le texte n'est pas en train de dire il y en a qui le sont et il y en a qui ne le sont pas. Mais il dit, prenez-vous ces hommes dans l'Église, pas dans le monde, pas en dehors du monde, pas en dehors de l'Église, dans l'Église. Prenez-vous, choisissez-vous des gens dans votre groupe qui vont faire ce travail-là. C'est ça, je crois, qu'il est en train de dire. Et non pas à essayer de trouver en regardant dans les yeux ceux qui sont pleins de foi. Et mon ami, c'est pas évident. J'aimerais mieux m'abstenir de voter, moi. Si on me donne la job, là, j'aimerais mieux m'abstenir de voter. J'aurais bien peur de me tromper. Bien peur de me tromper. Mais c'est pas ce que vous voulez dire parmi vous. C'est ça que ça veut dire, parmi vous autres. Parce que dans l'Église, les gens sont tous pleins d'Esprit Saint. Ils sont tous pleins de foi, ils ont tous la foi. Si les chrétiens n'ont pas la foi, ben, on ne devrait pas les appeler chrétiens, ces gens-là, s'ils n'ont pas la foi. OK? Et souvenez-vous que la foi, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et Dieu l'a donné à tous les enfants de Dieu. Donc, tu ne veux pas me dire que tu ne l'as pas. Dieu te l'a donné si c'était son enfant. Il donne à tous les enfants de Dieu sa foi-là. OK? Mais, c'est à l'intérieur, là. Acte 6, verset 8. Encore une fois, c'est marqué, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ici, pour Étienne, plein de grâce et de puissance, comment ça se manifestait, comment ça se voyait? Il faisait quoi? Des prodiges et des miracles. Donc, les gens qui étaient là, ils ont dit, wow, ce gars-là est rempli de puissance, rempli de grâce et de puissance, parce que regardez les prodiges et les miracles qu'il fait. Ça se voyait, ça se manifestait. Acte 13, verset 45. Non, excusez, 13, 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc, ici, Paul est en train de parler, puis il voit un homme qui, puis il dit, en le regardant, puis en voyant ses paroles, en entendant cet homme-là parler, agir, il dit, t'es plein d'espèces de ruses et de fraudes. Donc, il y avait quelque chose qui se manifestait. Quand t'es rempli, ça se manifeste. Quand tu es rempli de quelque chose, ça se manifeste. De colère, de jalousie, de joie. Quand tu es rempli d'amertume, ou peu importe de quoi vous voulez du mot remplir, ça va se manifester à long terme. Même si tu es un introverti, ça va finir par sortir. Parce que tu ne peux pas être rempli de quelque chose et qu'il n'y a pas de manifestation. C'est toujours comme ça. On va continuer à lire. Verset, chapitre 13, verset 52. Il m'en reste juste quelques-uns. 13, 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Nous, on va prendre juste rempli de joie. Quand quelqu'un est rempli de joie, est-ce que ça se voit? On va l'exprimer différemment, notre joie, là. Mais ça va se voir. Quand ma femme, elle se lève, elle me regarde, « François, t'as de l'air triste aujourd'hui. » Elle le voit. Quand je dis, quand je suis bien de bonne humeur, elle dit, « T'as de l'air de bonne humeur! » Là, d'habitude, moi, je vais siffler ou je vais faire une petite tépette de travers. J'ai mes manières à moi de manifester ma joie. Puis ma femme aussi. Des fois, je vais dire, « Oh, t'as ton petit bec pincé, t'es pas de bonne humeur. » Je le vois dans sa figure. Il y a des gestuels, ils ne sont pas capables de les cacher. Ça finit par sortir. Ça finit par sortir. C'est, on est rempli de. Ça déborde à un moment donné, à quelque part. Là. OK? Et dernier, acte 19, verset 28. 19, 28. Ces paroles les ayant remplies de colère. Les paroles d'un disciple, je pense qu'il a parlé, ces paroles, les gens qui écoutaient, les remplirent de colère. Donc, ils ont manifesté de la colère, soit par des paroles, des cris, ils ont peut-être ramassé des roches, ils ont fait des gestes. Tout ce que je veux vous faire sortir par cette dizaine de versets-là, c'est que quand tu es rempli de quelque chose, ça se voit. C'est tout ce que je veux que vous compreniez. Comment ça va se manifester? Ça peut être différent chacun de nous, à cause de notre caractère, notre personnalité, notre âge, tout ça. Mais quand on est rempli de l'Esprit Saint, est-ce que ça se manifeste? Est-ce que les manifestations? Mais il faut faire attention. Être rempli de quelque chose et être rempli de quelqu'un, c'est pas pareil. Mais ça va se manifester. Ça va se voir. Ça va s'entendre des fois. Mais être rempli de colère, parce que tu as dit quelque chose qui m'a fâché, puis je suis rempli de colère, ça va se manifester. Mais quand je suis rempli d'une personne, je veux faire sortir qu'il va y avoir des manifestations, mais quelle manifestation? C'est ce que je veux qu'on parle ce matin. Quelle manifestation va-t-il avoir après que le Saint-Esprit soit rentré en moi? Et qu'il m'a régénéré, et que je suis devenu un enfant de Dieu, je suis le temple de Dieu, on dit que le temple du Saint-Esprit, je suis l'habitation, on a toutes sortes de façons de le dire, mais il habite en moi, et j'en suis rempli. Comment est-ce que ça va se manifester? Faisons attention. Je le répète, faisons attention de ne pas vouloir imiter les manifestations peut-être de quelqu'un d'autre. Des fois, je dis aux gens, mon nom, c'est pas Paul, c'est François. Mon nom, c'est pas Billy Graham, c'est François. Essayez pas de me faire imiter quelqu'un que je ne suis pas. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Mais il y a des manifestations qui sont, je crois, communes. Ça, c'est ça qu'on va voir, pas pour essayer de savoir qui dans l'Assemblée est là, là. OK? Non, non. C'est pour vous autres. C'est pour le personnel. Est-ce que pour ma paix personnelle à moi, ma joie à moi, parce que quand je vois l'Esprit Saint qui habite en moi, qu'on le veut, qu'on ne veut pas, il y a de la joie de savoir que Dieu est là, à quelque part, dans moi. Il y a une sécurité qui s'installe. Je l'ai déjà dit, moi j'aime pas la noirceur. Je suis encore bébé dans ce sens-là. Quand je suis seul chez nous à la maison, j'aime pas d'être là en noirceur tout seul à la maison. Je laisse des lumières, mais c'était là. Je Mais s'il y a quelqu'un qui est là, ça me sécurise. Même s'il est plus petit que moi et moins fort que moi. Je me l'avoue, je ne suis pas toujours. On n'essaie pas d'expliquer ces choses-là. On vit avec. On vit avec. Son nom. Mais quand on va voir dans les Actes des Apôtres, encore une fois, des gens qui sont remplis de l'Esprit, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont remplis de l'Esprit? Ça va nous donner un indice comment ça peut se manifester, être rempli de l'Esprit. Ça va toujours dans une même direction. Les manifestations sont différentes, mais ça va toujours dans une même direction. Parce que l'Esprit Saint vient dans le cœur des enfants de Dieu avec une idée, avec une mission à accomplir, avec un but. Si vous voulez, vous lirez Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, trois chapitres où Jésus parle à ses disciples. C'est la veille de sa mort. Il va mourir le lendemain matin. Il parle avec les autres. Puis trois chapitres, il parle du Saint-Esprit. C'est la plus grande exposition sur le Saint-Esprit quasiment du Nouveau Testament. Puis il dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va avoir une idée en tête. Il va le faire. Vous ne pouvez même pas l'empêcher de le faire. Il va le faire. Nous ne sommes pas plus forts que lui ou que Dieu. Mais on va voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, que vous connaissez peut-être par cœur. Oui? C'est ça. Acte 1, verset 8. Jésus, il va partir, il va monter au ciel, puis il y a ses disciples qui sont là. Combien qu'il y en a? On s'assigne tout le monde depuis 2000 ans, mais il y en a. Et il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit, vous allez, tous vous autres qui êtes là, toute la gang que vous êtes là, il y en a qui disent que c'est les 12, il y en a qui disent que c'est les 500, il y en a qui disent, en tout cas, peu importe. Mais ce qui est intéressant, il dit que tous ceux qui sont là vont faire ça. Ce n'est pas juste quelques-uns. Mais vous allez savoir une puissance dans votre cœur, dans votre vie. On sait que ça va s'accomplir dans Acte 2, à la Pentecôte. Mais il reçoit cet esprit et dit, ce que vous allez faire, ce que cet esprit va vous pousser à faire, va vous conduire à faire, c'est à être mes témoins. Quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu va être un témoin de Jésus. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Comment vous allez être témoin? Ça, ce n'est pas mon affaire. C'est votre affaire. À quelle ampleur? Combien de personnes je vais parler? Ça, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas mon affaire non plus. Mais je vais être un témoin. À ma manière, à ma façon, avec mon âge, ma personnalité, avec soit une femme, soit un homme, soit je suis une jeune, soit je suis un vieux. Moi, j'ai vu des gens se convertir à 82 ans. La façon qu'ils ont témoigné du Seigneur Jésus-Christ, c'est bien différent que les jeunes de 8 ans. Bien différent. Mais, ce sont des témoins. Ce sont des témoins de Jésus. À leur façon, à leur manière, avec leur personnalité, avec leur éducation, ça va se faire. Je dis personnellement, je crois que c'est ça que le texte dit, il est impossible d'avoir le Saint-Esprit et de ne pas être un témoin. Il est impossible. C'est un fait que Jésus déclare ici. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être un témoin. C'est pas si vous ça vous tente, c'est pas si vous voulez, c'est pas si vous pensez, c'est pas si il y a un cours, c'est pas de cours, c'est pas si une campagne d'évangélisation à l'église, c'est pas ça qu'on parle du tout. Ils allaient être mes témoins. D'être mes témoins dans le monde. Puis la preuve, on lit les Actes des Apôtres, puis on lit toute l'histoire de l'Église, puis on est rendu à Val d'Or. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des témoins tout le long. S'il y avait eu une génération sans témoins, bien, on aurait des problèmes à quelque part. Là. Il y a eu des témoins, depuis 2000 ans, qui ont rendu témoignage. Puis là, pensez pas, nous, on a tendance à penser témoin veut dire évangélisation à l'Église. Non. Il y a une femme qui était un témoin elle a été dans sa maison avec ses enfants. Ça a été suffisant. Mais de ses enfants est sorti des prédicateurs qui ont atteint les 5 continents. As-tu un témoin? Ben oui. Ben oui. Elle n'a peut-être jamais participé à aucun programme de l'Église. Mais elle était un témoin. Elle a dit à ses enfants ce que Jésus avait fait, et ses enfants, à quelque part, l'ont cru. Et il y en a un ou deux de ses enfants qui sont devenus des prédicateurs, qui ont atteint. Que, je pense que c'est les 5 continents, les deux. Il y a un, je suis sûr. Être de témoin, ça ne veut pas dire, il ne faut pas penser en commun. C'est, je rends témoignage à Jésus. Ça veut dire que je parle de Jésus. Je dis à des gens ce que Jésus était, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, comment il l'a fait. Je veux juste parler. Ça peut se faire avec un conjoint, ça peut se faire avec un père, une mère, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec un voisin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise place. C'est, je suis un témoin. Simplement ça. Okay? Donc, une des manifestations du Saint-Esprit, une des façons que je sais que le Saint-Esprit est en moi, c'est que je rends témoignage à Jésus. Je parle de Jésus, de ce qu'il a fait. Acte 2, verset 4. Une autre manifestation. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, dans le texte, les gens qui ont été remplis du Saint-Esprit se sont mis à parler dans d'autres langues. Pas comme notre sœur tout à l'heure, blablabla. D'autres langues. Des langues. Quand je parle une langue, je parle en français, je parle en anglais. Je parle de langue, là, compréhensible. Dans le texte dans Acte 2, les gens disent, comment les entendons-nous parler dans nos propres langues? Donc, ils parlaient une langue que les gens comprenaient. Il n'y avait pas d'interprète, là. Il n'y a pas d'interprète. Mélangez pas avec un Corinthiens 14, parce que... Non, attention. Corinthiens 14, problème. Il essaie de résoudre le problème. Acte 2, il parle en langue, il parle des vraies langues. Miracle de Dieu. Manifestation du Saint-Esprit. Ils ont su qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Les gens ont vu qu'il était, y avait une manifestation non pas galiléenne, mais spirituelle. Ils parlent dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Miracle. C'est pas quelque chose là. Attention de vouloir reproduire ce qui s'est passé là. Les apôtres n'ont pas cherché à vouloir parler d'autres langues. Ils ont parlé d'autres langues. Instantanément, quand le Saint-Esprit était rentré en nous. Si un matin, tu te lèves, tu parles en espagnol, tu vas prêcher l'évangile en espagnol, je te dirai que tu parles en langue. Tu n'as jamais appris l'espagnol, tu parles en espagnol, tu t'en vas parler en langue. Tu te lèves à quelqu'un en Espagne, il va dire, ben vas-y, c'est l'Esprit qui t'a montré ça. Je ne crois pas que ça va arriver comme ça. Mais ça, c'est une manifestation qui s'est produite là. Dans Acte 4, chapitre, verset 8, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit... » Là, il parle de Jésus. Et vous, c'est ce que... Là, il est témoin. Il parle de Jésus. Rempli du Saint-Esprit, à cause qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il ne s'est pas rempli avant. « Bon, un matin, il va falloir que j'aille parler à quelqu'un du Saint-Esprit, de Dieu, de Jésus. Donc, je vais essayer de me remplir avant de partir. » C'est pas mal que ça s'est passé. Pierre, à plusieurs reprises, n'avait jamais, en grande majorité des Actes des Apôtres, ce qu'on voit, ils n'ont jamais planifié d'aller évangéliser. Dans les apôtres. Ça l'arrive. Les circonstances arrivent, puis des fois, ils sont presque obligés, je pourrais dire, parce qu'on les force avec des gardes, quasiment l'épée dans le dos, puis ils disent, pourquoi tu parles de ça, là? De quoi tu parles, là? Ils sont témoins, là, mais un peu forcés. Un peu forcé. Mais à chaque fois dans les Actes des Apôtres, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, vous allez voir, étant remplis du Saint-Esprit, ils parlèrent. Étant remplis du Saint-Esprit, ils parlèrent. Étant remplis du Saint-Esprit, ils parlèrent. C'est un des effets. On parle de celui qui nous a sauvés. Comment ça va se faire? Chacun pour soi. Mais si toi, tu te rends compte que dans ta vie, tu ne veux pas m'en parler, tu n'en parles jamais, tu n'en dis jamais un mot, jamais à tes enfants, jamais à personne, tu ne veux jamais dire à quoi que ce soit, tu ne veux pas m'en parler, moi je te dirais, viens me voir, il faut se parler, il faut se parler. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et c'est, je crois que l'Esprit qui est en toi veut parler Donc, et puis ici et là, tu vas parler. À ta façon, à ta manière. Ça va être différent à chacun de nous. Une autre chose qu'on pourrait dire, dans Actes 6, verset 3, c'est pourquoi, frère, tout à l'heure on a vu, choisissez-vous sept hommes, c'est-tu bien sept, mais ça c'est sept, hein? Sept hommes remplis de foi et d'Esprit Saint. Dans parmi vous. Mais ces gens-là qui sont remplis de foi et d'Esprit Saint, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le chapitre 6? Ils vont servir, ils vont être des témoins. Ils vont servir aux tables, là, dans l'église. Ah! Ils ne prêchent pas, eux autres. Dans le texte, ils servent dans l'église. Ils ont encore l'œuvre de Dieu dans l'église. Ils ont encore à faire quelque chose pour les frères et sœurs, tout simplement. C'est là. Ils disent, prenez-vous de ces gens-là, qui vont être dans l'église, puis qui vont œuvrer dans l'église, pour faire des services dans l'église. Autant que dans la Sainte-Histoire, on voyait des gens remplis de l'esprit qui cognaient des clous dans le temple. Excusez-moi, je pense que dans le temple, il n'y avait pas de clous. Mais ils faisaient des choses dans le temple, tout simplement. De l'or, ou ils faisaient des artistes, ou des peintres, ou peu importe, c'est quoi. Des tailleurs de pierre. Hein. Tu ne peux pas servir dans l'église sans être rempli de l'Esprit Saint. Mais quand tu es rempli de l'Esprit Saint, tu veux faire dans cette direction-là, tu veux faire ça, ça fait partie de toi, ça fait partie du plan de Dieu, que tu vas être en lien, en lien avec d'autres croyants, puis ils vont avoir un service mutuel qui va s'installer là. On forme un corps, donc automatiquement on a une interaction les uns avec les autres. Ça, encore une fois, selon nos méthodes, notre manière, notre personnalité, ça va être différent. Mais ça fait partie de l'expression. On a un désir. Ces hommes-là qui ont été choisis, on dit, oui, on va servir, on est capable de faire ça, on va servir dans l'Église. On va faire ça. On va servir nos frères et sœurs dans l'Église. Et donc, c'est pas parce qu'ils étaient plus spirituels ou plus pleins, mais à cause qu'ils étaient pleins d'Esprit Saint, ils ont voulu faire de quoi? Parmi le peuple de Dieu. Dans Actes 7, verset 55, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, à cause que lui était rempli du Saint-Esprit, Étienne, ça s'est manifesté pour lui, il a eu une vision, il a vu Jésus-Christ, et il l'a vu debout à la gloire, à la droite de Dieu, dans sa gloire. Puis il a dit ça aux gens autour de lui. Il était un témoin de ça. C'est pas tout le monde qui vit ça. Mais Étienne l'a vécu. Mais on sait que s'il l'a vécu, c'est à cause du Saint-Esprit qui était en lui. OK? Dans Acte 9, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par la substance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne une croissance à l'Église. Est-ce que c'est vrai depuis 2000 ans? Eh oui, c'est vrai depuis 2000 ans. L'Église a grandi, je vous garantis que l'Église a continué à grandir depuis 2000 ans. L'Église augmente dans le monde depuis 2000 ans. Ça ne veut pas dire que chaque petit groupe, à chaque petite ville, dans chaque petit village, va avoir une croissance continuelle sans jamais arrêter. C'est pour ça que ça veut dire. Le texte nous parle que l'Esprit Saint est en charge de la croissance. C'est l'Esprit Saint qui dirigeait cette croissance-là et qui emmenait les croyants à partager leur foi. Il y a des gens qui se convertissaient et les gens s'ajoutaient à l'Église. L'Église grandissait. C'est un. Et je crois personnellement que l'Église va s'accroître jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à temps que ça va être fini. Mais ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint utilise l'Église pour le faire. Okay, dans ce sens-là. Dans Actes 16, verset 6, ayant été empêché par l'Esprit Saint d'annoncer la parole dans l'Asie. Ah, on n'entend pas ça souvent. On entend plus dire, mais cet esprit l'a poussé à parler, cet esprit l'a poussé à parler. Et là, cet esprit l'empêche de parler à telle place. Les esprits vont, ici, pour l'apôtre Paul, Il dirige ce qu'on doit retenir dans ces 3-4 versets-là, si on avait le temps de les lire. Le Saint-Esprit dirige l'apôtre Paul dans différentes va-pas-là. Il l'empêche. On ne sait pas avec quoi. On aimerait bien savoir, mais on ne sait pas. Puis là, il va par une place. Oh, non, pas là. Oh, oui, là, tu vois là. OK. Là, tu parles là. Je crois que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait avec nous aussi. Il nous dirige vers les gens qui sont des élus que Dieu veut sauver. Ils nous dirigent. On peut peut-être frapper 10 portes sans qu'il y ait de réponse, mais la 11e, peut-être oui. Donc, c'est le Saint-Esprit œuvre et il va diriger le croyant dans le partage ici de l'Évangile. Il y a d'autres, ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre les Actes des Apôtres, peut-être que ça fait une concordance, prendre le mot rempli, ressortir tous les versets. Vous savez comme moi que dans les Actes des Apôtres, il y a 28 chapitres, mais 60 quelques références au Saint-Esprit. C'est le livre qui en a le plus dedans. Je crois que ça nous dit quoi? Que l'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est lui qui travaille dans l'Église. Et il y a des manifestations. L'important pour nous de retenir ce matin, c'est pas quelle manifestation, mais qu'il y a des manifestations. Si la vie que tu avais est comme la vie que tu avais avant d'être croyant, il y a un problème à quelque part. Il y a un problème à quelque part. Tu peux pas, je ne peux pas dire, le Saint-Esprit est en moi, il m'a régénéré et ma vie est comme avant. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Mais je crois que je devrais voir, chacun de nous, on voit dans notre vie des choses qui sont différentes qu'avant. Parce que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Un jour, mes frères qui viennent à mon baptême, on fait bien des années là-dessus maintenant, quasiment 33, 34 ans, puis je le vois encore dans ma tête, je le vois encore assis ce côté-là, très vite. Puis quand j'ai fini, je vais le voir, puis j'ai dit, puis, t'as-tu aimé ça? Je ne veux même pas compris ce que tu as dit, même pas écouter. C'est pourquoi? Et il dit, je n'étais pas capable de m'enlever de la tête. Pourquoi est-ce qu'il est rendu en avant en train de parler de Jésus, lui, l'athée? Moi, j'ai toujours été croyant, là. Mais j'en parle pas. Lui, il est un athée, puis deux mois après, il est en avant d'une foule de 200 personnes, puis il parle de Jésus. Pourquoi ça se fait, lui, dans sa vie, ça? Tu savais ce que je suis aujourd'hui, j'aurais dit, c'est parce que cet esprit vit en moi. Je suis une nouvelle personne. Donc, Dieu me donne la grâce d'être un témoin à ce moment-là. Mais l'Esprit Saint a des manifestations. Est-ce que vous en avez des manifestations de l'Esprit Saint que vous connaissez, qu'on n'a pas vues? On en a vu, là, il va parler, il va être dirigé, il va aider. On a vu il y en a qui ont prophétisé, il y en a qui ont parlé en langue, il y en a qui ont Donc, on a fait des miracles, on a fait des prodiges. Quelle autre manifestation qu'il y a à cause du Saint-Esprit en nous? Les manifestations morales, comme le fruit de l'Esprit. Oui, donc on va avoir un désir intérieur de sainteté. On a un désir de ressembler à la personne qui nous a sauvés. C'est un désir qu'on a. Si vous voulez faire une idée, pour comprendre l'œuvre de l'Esprit. Si vous connaissez l'Esprit Saint, si vous connaissez Dieu, c'est la même chose. Si vous connaissez Jésus, c'est la même chose. Vous allez revoir dans votre vie ses idées, ses intentions, ses rêves, ses ambitions, ses projets vont être en vous. Si vous voulez comprendre, si j'avais cet esprit, moi, si, mettons, Marie rentrait en moi, tout d'un coup, François s'en irait. Il allait jouer du piano. Oh, François, qu'est-ce qui se passe? Tu savais pas jouer une note hier? Marie est rentrée en moi. Je sais jouer du piano. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Parce que je sais que Marie joue du piano, je peux dire, c'est Marie qui est en moi, je joue du piano maintenant. Mais je dirais pas, Richard est rentré en moi s'il joue du piano. Il joue pas de piano. Je connais Richard, il joue pas de piano. Donc, je pourrais pas dire, Richard est rentré en moi. Mais si je me mets à réparer mon char, ah ben là, va dire Richard est rentré à moi. OK? OK? Parce que. Meuré? Non, hein? Ah non! Il n'a pas Meuré qui est rentré à moi, il connaît. Il est comme moi, il ne connaît pas une clé, c'est quoi une clé à molette? Il va t'amener un marteau, tu sais. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand je connais la personne, je vais pouvoir voir dans moi les manifestations de cette personne-là. Parce que si Dieu aime la sainteté, tout d'un coup, je vais me mettre à aimer la sainteté. Si Dieu a un fardeau pour le monde perdu, mais je vais avoir un fardeau pour le monde perdu. Ça fait partie de la game, ça. Si Jésus aime louer son Père, bien, tout d'un coup, je vais me mettre à vouloir louer son Père aussi. Ça fait partie de la game. Il vit en moi, puis lui, il aime ça. Donc, automatiquement, je vais commencer à aimer ça aussi. Vous comprenez? Si vous voulez comprendre les actions du Saint-Esprit en vous, étudiez la personne de Dieu, la personne de Jésus, la personne du Saint-Esprit. Puis là, vous dites, ah, je vois en moi, maintenant, depuis que je suis sauvé, les œuvres de ces gens-là à travers moi, maintenant. Je le vois. Je le vois parce qu'ils vivent en moi, donc je le vois. Vous comprenez bien? Vous connaissez le principe? C'est pas compliqué, là. C'est juste un peu de temps, mais... À force, des fois on dit qu'à force de vivre avec notre conjoint, on vit un peu comme notre conjoint, parce qu'il nous influence. Mais quand on vit avec le Saint-Esprit pendant un an, deux ans, cinq ans, trente ans, qu'est-ce que ça fait plus que trente ans ici? Vous êtes sauvés. On est juste toi. Plus que 20 ans. Il y en a quelques autres. Donc quand on ne peut pas vivre avec 20 ans avec une personne sans qu'il y ait des effets à quelque part, là, ça peut pas. Donc, être rempli de l'Esprit, ça veut dire que je vais commencer à agir, si je peux me permettre, comme Jésus, comme Dieu. Je ne deviens pas Dieu, là. Je vais me mettre à penser, à vouloir agir comme eux autres, parce qu'ils vivent en moi maintenant. Ils vivent en moi maintenant. Donc, je peux pas dire, Dieu habite en moi, et vous ne le verrez pas. Ça ne se voit pas. Personne ne va savoir. Je suis un agent secret du Seigneur. Ça se peut pas. C'est quand que Dieu habite en moi, il est impossible que les gens qui sont autour de moi ne voient pas une certaine différence à quelque part. Je crois qu'avec le temps, en grandissant dans la foi, notre compréhension, il va y avoir des manifestations différentes. Je crois que les manifestations, dans la même croyance, vont changer à travers son histoire personnelle. Vont changer. Parce qu'on vieillit, on grandit, on apprend. Des fois, on vieillit, puis on ratatine, puis on change notre comportement. On ne vit plus aux mêmes places, on ne fait plus les mêmes choses. C'est normal. Mais en dedans, les gens qui sont autour de nous, puis nous-mêmes, vont voir qu'il y a quelque chose qui est changé en lui. Il y a quelque chose qui est changé en lui. Depuis qu'il est né de nouveau. Et ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Puis ce que je veux qu'on comprenne aussi ce matin, vous ne pouvez pas l'empêcher. Si vous pouvez, c'est parce qu'il n'est pas là. Si vous pouvez vivre une vie chrétienne, que vous dites, et qu'il n'y a pas de manifestation de l'Esprit-Saint en vous, moi je vous dis qu'il n'est pas là. Vous ne pouvez pas l'empêcher de faire ce qu'il veut faire avec vous. Vous ne pouvez pas. Puis je crois que le chrétien ne pense même pas de vouloir ça. Il veut, c'est son désir. Il est né de nouveau, il veut vivre pour Dieu. Donc, c'est ce que je voulais vous transmettre ce matin. Quand on est rempli de Saint-Esprit, on se met à agir comme celui qui nous remplit. C'est en une phrase, c'est ça que je résume. OK? Prions ensemble. Notre Père du ciel, on croit que c'est un acte souverain. Tu nous as remplis de ton esprit. Et on croit aussi ce matin que cet Esprit Saint va nous faire le privilège et la grâce de nous faire vivre comme toi, de nous faire aimer les choses que tu aimes. Oh, c'est loin de penser qu'on est parfait, loin, loin de ça. Mais même là, dans notre folie du péché, on va réagir comme des gens remplis de ce l'Esprit. On va confesser, on va être attristé par nos péchés. On va prier pour avoir la victoire sur nos péchés. Ça fait partie du fait qu'on est rempli du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous la grâce de voir ces manifestations-là dans notre vie, afin qu'on puisse te louer et te glorifier pour les faire en nous. Parce que c'est ton œuvre. Et c'est pour ça qu'on veut te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.